Thibaut frôle à fond dans le village. Il joue à faire des dérapages dans sa voiture super tuning. Il a même changé les warnings. Direction la boîte de nuit où il va rencontrer des filles. Là-bas, pas besoin de discuter pour finir collé serré. Thibaut croit être le roi du monde. Il surfe constamment sur les ondes pour entendre le tube de l'année dans les radios décérébrées. Toujours le marqueur à la main, Thibaut trace son chemin. Il tag, trouve, il représente. Et puis ta mère, elle est méchante. Petit beauf pense que la Tessie, c'est la ferme où il a grandi. Seulement être fils de paysan, c'est pas tendance en ce moment. Pour se donner de l'importance, il va sur la piste de danse du nouveau bar VIP où il laisse une fortune par soirée. Pour toi de quitter la maison de papa à 25 ans, faudrait que tu connaisses autre chose que les kermesses. Commence par te cultiver autrement que devant ta télé. T'as beau regarder plein de reportages, c'est pas ça qui fera de toi un sage. Thibaut va découvrir le monde, va profiter chaque seconde. Et n'oublie pas qu'une belle vie, c'en est une remplie d'amis. Yeah.